c'est fou dans vos oreilles. 81. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Et les livres préférés de notre chroniqueuse littéraire Marie-Pierre Laforge-Bourin. À Assemblage requis, ça commence maintenant. On est bien aujourd'hui, il faudrait que je sorte un peu, ça met de bonne humeur. Le soleil est présent aujourd'hui. Tu sors et soudainement le sourire. Ah oui. Donc, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en ce mardi 12 avril 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Et bienvenue à vous, les requins. Et bon matin, Mauricie. Bon matin, Mauricie, c'est le nouveau bonjour, ça? Ouais. Bon matin, trois. C'est quoi Nicolas qui dit? Bon matin, Trois-Rivières. Ouais, je pense que oui. Bon matin, tout le monde. Bon matin, Trois-Rivières. Bon matin, Mauricie, nous autres. Ouais. Pour varier. Ouais, un peu plus big que Nicolas, quand même. Mettons, Trois-Rivières et la municipalité, les municipalités environnantes, mettons. Ouais. Bon matin, Trois-Rivières et municipalités environnantes! Non? Bon. Ça sonne bien. Oui, c'est super catchy, je trouve. Aujourd'hui, à l'émission, on a Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Oui, il veut te sortir avec moi, qui va nous parler de trucs à faire en amoureux. C'est ça. À l'extérieur. Donc, non à ta première question, et oui à ta deuxième. Hein? Ma première question c'était était... C'était de sortir avec moi. Ah, OK. Non. Deuxième suggestion, sortir en amoureux, oui. Oui. Ça, c'est vrai. Bon. Donc, tu veux être mon amoureux, mais tu veux pas sortir avec moi. C'est ça. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Non, mais c'est ça. Bon, je garde une petite jette. Aussi, à l'émission aujourd'hui, on a Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littéraire. Qui? Avec un nom à déterminer plus tard. non, c'est aujourd'hui, elle nous parle de ses livres préférés. C'est coup de cœur. C'est coup de cœur. Cinq, hein? Oui, c'est ça. Cinq livres à lire. À lire au moins une fois dans une vie. Au moins, il y a des livres qui se lisent plusieurs fois. Oui, on peut les relire. Ouais. Ça se fait bien, je trouve. Mais sûrement que, en fait, c'est sûrement des livres qu'elle a déjà relus, mm-hmm. si c'est ses favoris. On va lui demander tantôt. Moi, mes favoris. Moi, tes favoris, ouais. Ça, sont beaux. Ils sont juste pas coupés, ça. Ils sont beaux. C'est ça. Dépasse pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, non, coupe-le. Coupe-le. Hey, ça serait drôle. Hein? Comment? Aux oreilles. Complètement. Ouais. Non. Non, j'aime mes favoris quand même. On lance un défi. On lance un défi qui sera relevé. Chicken. Ouais, t'es pas game. Non, je suis pas game, on dirait. Ah ouais, donc. Ah, peut-être. Oh, on va voir. Fais-le, j'ai fait moi aussi. OK. Ah ouais. Demain? Demain, es-tu malade? Ouais, donc. Non. Je vais me laisser pousser la moustache avant ça. Bon. Hey Mathieu, on parle aussi de Oshiaga, le festival à Montréal. Ah oui? Oui, festival musique et art 2011 qui a sorti sa programmation. Donc on va faire. On va énumérer ça tantôt. Ah, une longue liste. Ouais, quand même. Il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses moyennes aussi. Hein? Mais il y a des trucs que je comprends pas qui sont là, mais bon, on s'en parlera à micro ouvert. Tantôt. Ça veut, ouais, c'est ça. Ça veut être mainstream par moment, je pense. Ouais. Ça essaie d'attirer un plus grand public. Non, mais de toute façon, avec les groupes que là, je pense pas que. En tout cas, vraiment, ça repart tantôt. Voilà. Pour l'instant, on écoute Antoine Graton, voici 500 000 milles. Comme toutes les ex-pistons des films américains dans les années 80, tu m'as donné espoir que peut-être un jour ce serait mon tour. Mais à la place, tu m'as regardé dans ma face et tu m'as dit oui quand je t'ai demandé si. Puis t'es parti sans me dire où tu t'es enfui pendant que j'étais sous. secret. Oh, come on, just one bite. Okay, it's vodka on ice, but then there's women on bikes. Oh, just the women who straddle. Oh, now you are a handful. I forgot about handfuls. It's everyone here. You mean just all of the people? Yeah, and all of their peers, and all of their pets, and their chandeliers, and their cigarettes. I haven't smoked in years. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. The human race, but for the planets and the stars and everything else in Mars, it's like paradise spread out with a butter knife. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. Don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. They don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. Le nouveau hit d'Assemblage Requis, je trouve, The Stand par Mother Mother. Wow, wow, wow. Hit, petite étoile, relatif assez fou. Bon, on devrait se faire faire un petit jingle comme ça. Genre, c'est un succès, méga succès. Pour ces fous, là. Hey Matt, je te parle de, en fait, de la liste d'artistes qui est sortie pour Oceaga 2011. Il faut vraiment beaucoup de papier dans l'imprimante pour faire imprimer toute la liste de gens qui vont être là. Exactement, et ça va se dérouler du 29 au 31 juillet. Donc, les billets commencent à être vendus à partir de vendredi, le 15 avril, à minuit. Super. Donc, hein? Donc, préparez-vous. Bon, ouais, préparez-vous. Mais regardez un peu les artistes. Écoute, je te les énumère, okay. Puis on en parle. Ou si t'as des commentaires, tu peux laisse-toi aller. Parfait. OK. Eminem. C'est la tête d'affiche. Oh, ouais. Elvis Costello et ses lunettes. Hein? Oh, ouais. Et ses lunettes. Dead Cab for Cutie. Yeah. Ici, on aime bien. Tragically Hip. Dead From Above 1979. Très bon. C'est très, très bon. Oh, ça, oui. Oui, on aime ça aussi. Kid Cudi, je comprends pas. Okay. Je comprends vraiment pas pourquoi c'est là, mais bon. Ouais, c'est là. Bright Eyes, ça c'est bon. Ouais. City and Color, uh-huh. On aime ça. Ratatat, moi j'adore. Ouais. Carquois. Ouais, quand même. Ouais. Malajube. Oui. Malajube, hein. Brandvan 3000. Mm-hmm. C'est bon. Crystal Castle. Oh, oui. Mastercraft. Oui. The Sounds. Mm-hmm. The Pains of Being Pure at Heart. Ça, Maxime nous en fait jouer une fois de temps en temps, c'est bon. Ça. Exactement. Je me demandais qui nous en avait parlé. Et effectivement, c'est Monsieur Lemieux Laramie qui sera là. Le coach. Oui, le coach qui va être ici demain avec nous. Oui, à 8h demain. Oui, exactement. Et puis, si on continue, Yoav. Yoav, oui, c'est quand même pas mauvais. Ça. Braids. Oui. Comme on a fait jouer, oui. Lights. Et Rosetta, qui est d'ailleurs sur le palmarès. Oui, quoi. Sinon, t'as un peu, là, Galaxy qu'on fait jouer souvent, Tokyo Police Club. Wow! Que t'adores, Jimmy Hunt. Mais. Non? Mais. Oh, je pensais que t'aimais ça. Mais. Non? Mais. Je sais pas. Dans ma tête, Mathieu Plante aimait ça. Non. P.S. I Love You. Qu'on a joué hier avec Stéphanie. Oui, exactement. Stéphanie a adoré le spectacle. Non, elle a pas aimé le spectacle. C'est Kiwan qui a aimé le spectacle. Elle a trouvé ça moyen un peu. Il y a Mother Mother qui vient de jouer, en fait. Oui. Et puis, c'est tout. Les autres, moi, je les connais pas, là. Si on les connaît pas assez fous, bon, c'est que c'est pas un. Ben moi, je les connais pas. Peut-être que t'en connaîtrais un peu, ou peut-être que, en fait, Maxime Lemieux l'a ramené, sûrement qu'il doit toutes les connaître. Ouais, sûrement. Mais bon, voilà, en fait, là, ça, c'est la programmation qui est sortie. Moi, en fait, là, j'ai quelques certaines réserves. Mm-hmm. Quand on pense que c'est plus un festival indie. Ouais, l'émergence, là. L'émergence, ben, les trucs underground, mais qui pognent quand même. C'est ce, qui est, ce qu'on appelle dans le domaine big dans l'underground. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, tête d'affiche, Eminem. C'est bizarre. Et puis, Kid Cudi. Ça fit pas. Non, ça essaie d'amener un grand public, ça mais les grands publics ont déjà leurs festivals. Mais c'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. Et puis, tandis que, en tout cas, je considère qu'il aurait pu attirer d'autres choses encore. Probablement. Même si c'est venu l'année passée, tu peux les faire s'ils veulent. C'est pas interdit. Mais bon, voilà. En fait, je sais pas si je vais y aller. Non. C'est cher quand même, non, aller à Oshaga. C'est cher. Écoute, j'ai pas les tarifs devant moi. C'est cher. Et puis, les groupes ne jouent pas longtemps. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de groupes qui jouent en même temps, je crois, à différents endroits. Donc, il faut vraiment comme choisir le groupe que tu vas aller voir. Exactement. Et puis, ça joue une demi-heure, trois quarts d'heure. Encore là, si moi, bon, mais... en tout cas, hein, c'est pas la plus belle journée de ta vie, si moi. Non, non, non. Et puis, s'il fait très chaud aussi, bref. Est-ce que tu veux les prix? Vas-y donc. Il y a une passe festival 3 jours pour vendredi, samedi et dimanche. Il y a un spécial Early Bird, donc pour ceux qui achètent en premier selon la disponibilité et les quantités. C'est admission générale 198$. Oui, ça c'est l'édition spéciale. Accès à un siège réservé 350$. Si vous achetez un billet régulier, après ça c'est admission générale 218. Admission générale édition spéciale 222,50. Et accès siège édition réservé spéciale, 370. Je vais te dire ça dans 2 secondes. Si je peux, est-ce que c'est écrit? Ça précise pas vraiment le billet édition spéciale, à moins que ça dise plus bas. Je trouve pas. Ils doivent te donner un t-shirt, peut-être. Peut-être. Puis, c'est sûrement écrit, là, je le vois juste pas parce que je cherche trop. Là. La page est quand même assez détaillée, là, différentes façons d'acheter les billets. Une passe classique de 2 jours, un billet d'une journée. Là, ça varie de prix. C'est cher. C'est extrêmement cher. C'est cher. Non, vous me verrez pas là. Non. Non. C'est présenté par BlackBerry, je sais pas. Donc, Oshaga, ça a lieu à Montréal, comme tu disais, du 29 au 31 juillet 2011. Allez voir sur oshaga.com pour plus de détails. Il y aura aussi l'événement Oshaga en ville du 27 au 31 juillet. Ah ouais? Ah, ça, j'ai bien hâte de voir ça. Mettre des stages et puis coupe d'artistes. C'est la seule chose que ça dit sur le site web, quand tu cliques sur Oshaga en ville, ça dit « Coming soon ». Donc, les informations ne sont pas encore sorties sur qu'est-ce qu'il va y avoir à Oshaga en ville, juste avant l'Oshaga en tant que tel. Voilà. Voilà, trop donc, ouais, c'est vraiment très, très cher. Pour les spectacles dehors, là. Avec Eminem. Avec Eminem, ouais. Il va y avoir du monde, c'est sûr. C'est clair que c'est big dans l'underground, on l'a dit tantôt. On va retourner en musique avant de revenir avec plein d'autres bonnes choses à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Qu'est-ce que t'en penses si on s'en va entendre du bon vieux Tokyo Police Club, qui eux aussi vont être là? Oui, oui, tout à fait. On va faire un petit bloc de trois tours. Trois, peut-être. Même plus tard, on verra. Ouais. On va aller écouter pour commencer Tokyo Police Club avec la pièce Big Difference au 89.1 FM. The quiet kid has come to stay. What did he say? He says I'm lonely. Says I'm lonely. I'll tell you everything I know. What do you know? He says I'm hopeless. Says I'm hopeless. Last

Des fois, il fait trop chaud, des fois, il fait trop frais. Ouais, mais là, on n'est pas rendu à chialer. Non, on n'est pas rendu là. Ça viendra. Ouais. J'ai hâte. C'est la chanson Je pleure ou je ris. Regarde, tu vois, c'est comme un genre de revirement, tu sais. Soit t'arrives trop tard, soit t'arrives trop tôt, ça va. Pas besoin d'expliquer plus que ça. Non. C'est bon. Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Don't tell me it's all right. Stable d'Atomic Baobab, formation locale qu'on adore avec leur album, leur maxi Atomic Baobab EP. EP. EP, ça veut dire maxi, comme dans un album court. Ah, oh, je pensais maxi comme épicerie. Non, profession, non, pas du tout. Profession musicien. C'est pas leur slogan du tout, je sais que c'est métro, ça. Hein. On se mêle les slogans. Ah oh, oui, c'est vrai. Hey, sinon, t'as fait, j'aurais dû dire dans ma chronique, tout dans le quoi, je sais que tu veux pas qu'on vienne sur ce sujet parce que c'était long. Hein. Ouais. Mais facebook.com/ métro mon épicier, c'est un peu long, OK? Puis métro mon épicier, un, c'est pas leur slogan, c'est métro profession épicier. Et trois, quand tu vas changer de slogan, ta page Facebook va falloir que tu la rechanges. Parce que nous autres, on avait une page pour Assemblage Requis qui s'appelait à l'époque Kiwan et Mathieu de Petit Point Assemblage Requis. Tu te rappelles de ce nom-là? Non. Kiwan et Mathieu de Petit Point Assemblage Requis, c'était le nom de l'émission au complet. Ça va. Donc sur Facebook, notre nom c'était ça. Okay? Mais quand Kiwan est parti, il fallait qu'on fasse notre page Facebook. Qu'est-ce que je veux dire, ça? Oh ouais, mais c'est pas comme. Puis de toute façon, je pense que Facebook offre le privilège d'en faire. Tu peux en faire. Tu peux en faire comme tu veux, mais si t'as 115 fans, mettons, de ton ancienne page, puis faut que tu changes, là, tu repars à zéro. Là. Ouais, mais t'es invite ou. T'es invite, puis ils viennent pas, c'est mon expérience, en tout cas. Ouais. C'est plate, ils viennent pas pantoute. Le monde, ils veulent pas se faire harceler sur Facebook pour déménager ta page. Ils sentent ça que t'as déménagé ta page. Ça. Ouais. Ça leur dérange juste pas, ils s'en foutent complètement. C'est pas à tout le monde, c'est plate. Facebook changera peut-être ses règles un jour. Peut-être, ouais. Mais ils veulent pas parce que sinon, tu sais, quelqu'un pourrait, mettons, faire une page, bon, j'aime les petits chats, tu sais, puis là, tu t'inscris à ça, puis là, finalement, ça change de nom, puis ça devient, hey, j'aime ça, abuser des petits chats. Fait que là, à un moment donné, ben, ça pourrait ouais, virer contre. Ouais, j'avoue. J'avais pas vu ça comme ça. Ouais, c'est logique. Tout de même. Et que voulez-vous? Il va nous rester du temps pour une dernière pièce dans cette première heure. Après ça, on va revenir avec Émilie Gauthier. Okay, est-ce qu'on y va avec, tu sais, JP d'Alpé? Un petit peu de JP d'Alpé, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le petit JP d'Alpé. Oui, ça fait très très longtemps. On pourrait faire une petite page Facebook, on aime bien JP d'Alpé, puis après ça on l'oublie pendant 6 mois pour leur part après. Mais sûrement qu'il y en a déjà une. Sûrement qu'il y en a déjà une. JP d'Alpé, voici Mauvaise Track au 89.1 FM, c'est fou.

CIBL, c'est plus dans vos oreilles. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Ah! C'est toujours bien de revenir d'une publicité avec une musique aussi douce. Chouette. Chouette. C'est un mot qu'on n'utilise pas tellement au Québec, hein. Chouette, c'est un c'est mot. C'est vrai, et je crois savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ben non, il n'y a rien pas tout. C'est pas assez viril pour toi? Ah non. Chouette, alors! François, on sait que c'est un gars viril. Oh. Ouais, chouette. OK, c'est la chronique littérature. Voici Marie-Pierre Laforge-Bourret. C'est la fée des livres qui arrive. La fée des pages. La fée des pages. Mettons, on pourrait dire comme ça, non? Ouais, ben je garderai pas le titre. Non, c'est ça. Mettons qu'on a encore une période de réflexion à trouver un titre qui a de l'allure. Ouais. C'est ça. Donc, Marie-Pierre, tu nous parles aujourd'hui de tes 5 livres préférés. Oui, c'est ça. La semaine passée, tu m'avais dit en hors-onde, tu m'as dit quelque chose comme « J'ai quelque chose de facile à préparer pour toi, ça te tenterait-tu de faire tes 5 livres préférés? Mm-hmm. » J'ai fait « Bah, OK. » Oui, c'est en fin de session, mais je vais le faire, ça, c'est ouais. Pas si pire. Merci, Mathieu, de m'imposer des choses comme ça. C'est vraiment gentil de ta part. Mais finalement, je pensais que ça allait être facile, mais ça l'est pas tant que ça, parce que j'ai lu, bon, beaucoup de livres. T'sais. Évidemment, j'ai étudié dans un bac en littérature, mm-hmm. Donc on lit beaucoup. Combien environ de livres par année? Il y a des sessions, tu veux même pas le savoir. Mais ouais, ça peut aller jusqu'à 25 livres par session. Donc il y en a qui en ont même plus. Donc je souhaite pas ça parce qu'à un moment donné tu perds le goût. Et ça c'est des livres obligatoires à lire, c'est même pas tes passe-temps, c'est ça? Ouais, c'est des livres obligatoires, mais t'as pas de passe-temps. Quand t'as une session comme ça. OK, t'as pas de passe-temps. Donc j'ai choisi 5 livres, mais c'est 5 livres qui ont soit été il y en a des livres, ça fait quand même 4 ans, 5 ans, je les ai lus, mais qu'à l'époque, ils m'avaient marqué. J'ai décidé de vous en parler, même si ça faisait longtemps que je les avais pas lus, parce que c'est un genre de coup de cœur. Et il y a des livres, c'est un petit peu plus récent. Il y en a un qui date de l'année passée, un de cette session-ci, donc c'est assez varié. Et j'ai choisi de venir vous parler du contenu des livres et non de l'auteur. Mm-hmm. Par exemple, la semaine passée, j'avais parlé un petit peu de l'auteur, mais ça ne sera pas le cas ou presque pas cette semaine. Donc, pour commencer, mon top 5, j'ai choisi un livre. Bon, ça va faire drôle un peu de dire ça comme ça, mais c'est pas nécessairement un de mes livres préférés. OK. Mais c'est un livre... Pourquoi tu l'as choisi? Ouais, pourquoi? C'est un livre... Mais en fait, c'était une prof que j'avais au cégep qui l'a écrit. Et c'est un livre qui est tout court, à peu près une centaine de pages. Ça se lit en une soirée quand on je a le vois vraiment à peine. Hein? Je regarde là puis je le vois. Oui, ouais, c'est à peine si on le voit. Ah, il est là. OK. Donc, c'est une centaine de pages. Ça se lit super bien. Et le titre, le titre du livre, c'est « La gifle ». Donc, OK, « La gifle uh-huh. ». D'ailleurs, l'auteur, c'est Roxane Bouchard. Elle enseigne au cégep de Joliette. « La gifle », le concept, c'est que... c'est un drôle de concept parce qu'il y a plusieurs chapitres, des chapitres à travers lesquels on voit l'évolution d'un personnage, d'un homme, je crois, qui est de racine italienne. Et donc, on le voit évoluer avec les femmes de sa vie. Donc, on voit interagir avec sa mère, avec son amante, avec sa... En tout cas, tout plein de femmes dans sa vie. Là, je ne saurais pas dire, ça fait un petit bout, je l'ai lu, mais c'est ça le but de l'histoire. Et il n'est pas toujours agréable. Donc, la gifle, tu te dis... Il va recevoir une gifle à un moment donné ou à un autre. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'entre les chapitres, il y a un guide de comment donner une bonne gifle. Ah, oh, wow! Et ça, c'est très chouette. L'angle, la oui. Position de la main. La position de la main, il y a un historique de la gifle, d'où est-ce que ça vient. Bon, c'était plus utilisé en France qu'au Québec. Okay. Quand est-ce que c'est apparu au Québec? Donc, tu sais, j'imagine qu'il y a des petits trucs, ça c'est plutôt informé pour certains points, mais mm-hmm. ça doit avoir un peu de fiction à travers tout ça. Je vais vous en lire un petit extrait. Mais en fait, le livre, ce qui est le fun, c'est que ça commence par « Avertissement. Ce livre contient une scène de violence pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est conseillée. » Donc, le livre commence comme ça. C'est un peu à la manière d'un film. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que ça se lit vite. L'histoire du jeune homme est agréable, mais vraiment les entre-chapitres avec le guide de la gifle, c'est vraiment intéressant. Je vais vous en lire juste un mini-bout pour vous donner un avant-goût, pour vous montrer un peu... de quoi ça peut avoir l'air? Donc, le mouvement giflatoire. Parce qu'elle procède d'une technique précise et d'un doigté sûr, la gifle ne doit pas être confondue avec la vulgaire baffe humoristique.

Hein? Ah oui. Tu nous restes assez. Bonne exposé oral. Merci. J'ai entendu dire. Bon colloque. Oui, colloque. Oui, un colloque pour les littéraires en fin de semaine à Rimouski. Donc, ah oui? Rimouski. À Rimouski. Qu'est-ce que vous faites? Ça va être des conférences pendant deux jours. Donc, je ne suis jamais allée. C'est une première. Qui, mais... non, ça va être des étudiants qui présentent leur projet. Ah, OK. Donc, OK, mais pas toi. Non, je me suis gardé une petite gêne étant donné que je commence ma maîtrise, mais ça va être... Est-ce que tu écris des livres? J'écris de la poésie. OK. Ah. Ouais. Donc, de la poésie. Tu sais, je parle beaucoup des nouvelles, comme quoi j'aime ça, mais c'est quelque chose que je suis pas capable d'écrire. OK. Faut puncher, ça manque encore. Donc, c'est peut-être à travailler. Mm-hmm. Alors, voilà. D'accord. Mais on te retrouve la semaine prochaine pour la dernière chronique de la session, du moins. Exactement. C'est mardi prochain à 8h30. Oui. Et on retrouve un nom un jour pour ça. Hein, oui. Est-ce que je peux faire une demande spéciale pour une chanson? Ben oui. J'aimerais ça entendre Smith Westerns. C'est un groupe de jeunes garçons autour de 17-18 ans et c'est excellent, donc... une bonne écoute. Ouais. Ça donne drôle, c'est dans une station de radio, quelqu'un demande une demande spéciale, puis le gars, il l'a instantanément de préparer, puis elle commence à jouer, ça sonne vraiment en prose. Merci, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Too much love. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. C'était Panache avec Catherine ou une journée formidable, c'est bien ça, Panache, Catherine ou une journée mémorable. Mémorable, c'est ça le nom de la mémorable. Mémorable, un peu comme l'émission qu'on vient de vivre ensemble, François-Olivier Marchand. Yes, sir. On se retrouve demain matin à 7h avec une autre édition d'Assemblage requis. Qu'est-ce qu'on a demain, tomorrow morning? Demain à midi, c'est l'Assemblée générale annuelle de Sifou et du Journal Zone Campus. Donc, présentez-vous au 10-12. Vrai? C'est important. On aura aussi Maxime Lemulin-Ramé qui va être avec nous pour s'accorder. Télécharge quoi? Restez sur nos ondes tantôt. C'est C'était Fou, l'émission que j'anime et on rembobine une semaine choisie à travers la discothèque de Sifou. Puis après ça, à 11h, c'est le dîner de con. Donc, soyez là pour ça. Les nouvelles de Radio Canada s'en viennent. Passez une bonne journée. Bye, François. Bye, bye. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.